la force de nos actions. Un jour, au début de mes années de lycée, je vis un camarade de classe qui rentrait chez lui. Son nom était Kyle. Il semblait porter tous ses livres. Je me demandais, pourquoi quelqu'un ramène-t-il tous ses livres le vendredi? Il doit être vraiment un peu bizarre. J'avais prévu un week-end tranquille, des fêtes et une partie de foot avec mes amis le lendemain après-midi. Alors, je haussai les épaules et continuai mon chemin. En marchant, je vis un groupe de jeunes qui couraient vers lui. Ils lui rentrèrent dedans de sorte que tous ses livres s'éparpillèrent sur le sol et qu'il tomba dans la poussière. Ses lunettes volèrent en l'air et je les vis atterrir dans la pelouse environ à 6 mètres de lui. Il leva ses yeux et j'y lus une terrible tristesse. J'en eus le cœur gros pour lui. Alors je courus vers lui pendant qu'il était en train de chercher ses lunettes. Je vis des larmes dans ses yeux. Je lui tendis ses lunettes et dis « Ces types sont fous, ils devraient vraiment apprendre à vivre. » Il me regarda et dit « Oh merci !» Un grand sourire éclairant son visage. C'était un de ces sourires qui exprimait une vraie reconnaissance. Je l'aidai à ramasser ses livres et lui demandai où il habitait. Il se trouvait qu'il habitait près de chez moi. Alors, je lui demandai pourquoi je ne l'avais jamais vu auparavant. Il dit qu'avant, il allait dans une école privée. Auparavant, je n'aurais jamais passé du temps avec un gars de l'école privée. Nous bavardâmes jusqu'à la maison et je l'aidai à apporter quelques-uns de ses livres. En fin de compte, il se révélait être un type sympa. Je lui demandais s'il voulait jouer un peu au foot avec mes amis. Il accepta. Nous passâmes tout le week-end ensemble. Et plus je connaissais Kyle, plus j'avais de la sympathie pour lui et mes amis pensaient la même chose. Le lundi matin arriva. Je retrouvai Kyle qui était à nouveau avec tous ses livres. Je l'arrêtai et lui dis « Dis donc, tu vas avoir beaucoup de muscles si tu portes tes livres tous les jours. » Il sourit simplement et me donna la moitié des livres. Au cours des 4 années suivantes, Kyle et moi, nous devînmes les meilleurs amis. Pendant notre dernière année au lycée, on commença à penser à l'université. Kyle décida d'aller à Georgetown et moi à Duke. Je savais qu'on allait toujours rester amis, que les kilomètres ne seraient jamais un problème. Il allait devenir un médecin, et moi, je m'étais décidée à faire des études de commerce. Et cela, grâce à une bourse obtenue grâce au foot. Kyle était le premier de notre promotion. Je le taquinais toujours, lui disant qu'il était un bosseur. Pour la cérémonie de remise des diplômes, il devait préparer un discours. J'étais tellement soulagée de ne pas être celui qui devait monter à la tribune et parler. Le jour de la cérémonie, je vis Kyle. Il avait l'air en forme. Il était le genre de type qui s'était toujours bien senti à la fac. Ses lunettes lui allaient bien. Il avait plus de succès que moi et toutes les filles l'aimaient bien. Ah, il m'arrivait parfois d'être jaloux. Et ce jour-là, c'était le cas. Je vis qu'il était nerveux à cause de son discours. Je lui donnai une tape dans le dos et lui dis « Allons, mon vieux, tu vas être super. » Il me jeta un de ses regards, un de ceux qui étaient vraiment plein de gratitude et sourit. « Merci, » dit-il. En commençant son discours, il se racla la gorge et commença. La remise des diplômes est une occasion pour remercier ceux qui nous ont aidés à traverser les années difficiles. Nos parents, nos enseignants, nos enfants, peut-être un coach, mais surtout nos amis. Je suis ici pour vous dire à vous tous que d'être l'ami de quelqu'un est le meilleur cadeau que vous puissiez lui donner. Je vais vous raconter une histoire. Lorsqu'il raconta l'histoire du jour où nous nous étions rencontrés, je n'en crus pas mes oreilles. Il avait projeté de se suicider pendant le week-end. Il raconta comment il avait vidé son casier d'école pour que sa mère n'ait pas besoin de le faire plus tard et ramener ses affaires à la maison. Il me regarda intensément et me sourit légèrement. Dieu merci, je fus sauvée. Mon ami m'évita de commettre l'irréparable. J'entendis un murmure de surprise qui s'éleva de la foule lorsque ce jeune homme attirant et aimé nous parla de son moment de plus grande fragilité. Je vis son père et sa mère me regarder et me sourire avec le même sourire, plein de gratitude. Je n'en avais jamais réalisé jusque-là la profonde signification. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions. Par un petit geste, vous pouvez changer la vie d'une personne, pour le meilleur ou pour le pire. Dieu nous met sur le chemin de la vie des autres, des uns et des autres, pour que nous y laissions un impact d'une manière ou d'une autre. Recherchez Dieu dans les autres. Les amis sont des anges qui nous soulèvent pour nous mettre sur nos pieds lorsque nos ailes ont du mal à se souvenir comment voler.